Chapitre 5. La promesse. 3 mois après, la belle s'est habituée à sa nouvelle vie dans l'immense château. Elle passe ses journées à lire, à jouer du piano ou à se promener dans le parc. Elle fait des bouquets de fleurs pour décorer toutes les pièces du château. Avec les pétales, elle fabrique aussi du parfum et des huiles. Mais les journées sont très longues et souvent, elle se sent seule. Heureusement, la bête lui rend toujours visite à l'heure du dîner. Ils sont heureux de parler ensemble. Maintenant, la belle a l'habitude de voir la bête. Elle n'a plus peur de son visage monstrueux. Elle attend même avec impatience le moment de sa visite. Elle regarde souvent l'horloge un peu avant 9 heures. Tous les soirs, la bête vient la rejoindre et tous les soirs, la bête pose la même question avant de repartir. « La belle, veux-tu m'épouser ?» À chaque fois, la belle répond négativement. Un jour, elle lui dit « Vous me faites de la peine, la bête. Pourquoi me posez-vous tous les soirs cette question ? Je ne veux pas vous épouser et je suis trop sincère pour vous faire croire le contraire. » Je serai toujours votre amie. Contentez-vous de mon amitié. Je n'ai pas le choix, murmure la bête. Je sais que je suis horrible, mais je t'aime tellement et je suis tellement heureux avec toi. Promets-moi de ne jamais m'abandonner. La belle rougit. Elle a vu dans le miroir que son père est très malheureux. Ses sœurs se sont mariées et ses frères sont entrés dans l'armée. Son père est donc seul et il croit que sa cadette est morte, dévorée par la bête. Il souffre beaucoup. La belle est triste de voir son père désespéré. Elle voudrait le voir une dernière fois pour le rassurer. Je promets de ne pas vous quitter, mais mon père est malade et je voudrais tellement le revoir. Pouvez-vous m'accorder ce plaisir ? La belle, je ne veux pas être la cause de ta tristesse, répond la bête. Tu vas retourner voir ton père, même si je suis triste de te laisser partir. Oh, merci, merci, s'exclame la belle. Je vous aime trop pour vous rendre triste. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Très bien, tu seras chez ton père demain matin, répond la bête. Mais souviens-toi de ta promesse. Tu as seulement 8 jours. Pour revenir ici, mets cette bague à ton doigt avant de t'endormir. Au revoir, la belle.